Joni joni kasumai joni joni kasumai kutiom di kulinom jomone saful mi uka amerika janten radio tanduk online di l'émission yane mi la voix des jeunes burung sikambano jat olale mitu yonkol yane mi 2013 yo emi yate baje presque esemen semaine yakon donc doné jiat panu lañ la bay taté na mandu mikalem eno ya ñi sa fé emit di waf man usa foral di emita yunku la yakilia du duwa woral emtekan kan emit yete ke sumay surtout babu sindolal bané mi kasamas ke sumay ku bajo ke sumay kan do fasé matikati malégen. Donc usa foral ola kapi mandu mikale tate won ko ra manu sa foral jat ke biring tongan date mission ay panu kambulale micro ay man anosan amangum na won ko mana saf bu kanaku musa foral nu duwa woral e na mandire gu menya eno dunia yi di emita yo yawo jomu ñe yani mi 2012 ci changement sa jou po ese bajo bajo ci changement sa ndu fasé saké ci sunsu meme saké ci sumut et donc wesumutum do jaw u leyo la fang fang fang fang fang fang di wesumi pop emité kambo bu continuer sum emita yo ando ma mu ñe 2013 kane mitete ke soumay fam fam fam fam namman sankene mu ñe en commençant par après da nga ololal ané mi Macky Sall nanda tungum e djoumay fu djouma fam Sénégal ku séno mana djoum dam mon day teunk keunuma ko la mana jaw bi bo Gambie kané mi ku tiolal aban fu nak na sankene ne yisen mata bu yegita bola bobu bu babu kasama sumbi ke sumay ku leñul emite kané mi tane rambe man ke sumay takkiliya ku leñul mam bu kanaku ku ngolen ku tey ci sola solil e donc bu purato di kawon ko rako manu safora di ke sumay ku lu baja ba jaat a invité spécial ané mi kajo boy ku manjo man kati bobabu bololal Sénégal et partout agni lololal at Casamance et kono Souleymane Gil Diop pambu wonkula lol ma jotate manu mika jatit mat ke suma kan do lobale mu ñuy mati mo famu mololal Casamance et donc pana jola la deuxième heure yoy mi 9h man u mika di o pop di ke suma ko kan di lobew mu ñaw donc déjà na mandila be ma parti de muñe amam mi e wonk panangole na wonk manu saforal u saforal di kasumay chers auditeurs bonjour aujourd'hui nous sommes à notre première émission pour l'année nouvelle 2013 et à ce propos aujourd'hui nous allons nous souhaiter entre nous auditeurs de la radio Tandouk online nos meilleurs vœux. En commençant, je commencerai par formuler mes vœux à l'intention de tout le monde, mes vœux de santé, de paix, de réussite. Et en parlant de paix, vraiment spécialement pour la Casamance, nous souhaitons qu'il y ait une paix durable, une paix définitive, une paix comme le dit le mot paix. Ça fait maintenant 30 ans que nous sommes dans ce conflit. Et si vous remarquez bien, depuis ces dernières années, partout et individuellement ou collectivement, les gens parlent de la paix. Maintenant, quels sont les moyens qui doivent nous amener à cette paix-là? Dieu seul sait. Mais nous souhaitons, nous tous, qu'il y ait vraiment une paix définitive, pour que les gens puissent vaquer à leurs besoins sans souci. Car la Casamance est la nôtre, la Casamance Grenier du Sénégal, nous perdons tous dans ce conflit-là. Vous remarquez la région actuellement avec vraiment la mondialisation. Aujourd'hui, la Casamance devrait être une pole position. Mais malheureusement, les investisseurs, beaucoup d'entre eux, ont fui et certains craignent d'aller y investir. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils ne se sentent pas en sécurité. Donc, que Dieu fasse que cette paix-là revienne et que la volonté de notre nouveau gouvernement, commençant par le président Macky Sall, qui tout le temps, dans ses allocutions, n'oublie pas cette question de paix en Casamance. Nous souhaitons que Dieu lui donne la force et Dieu lui donne la conscience de bien œuvrer afin que cette paix s'installe définitivement dans notre région. Nous ouvrons le micro dès à présent pour cette première partie de l'émission qui est donc intitulée spécialement pour les vœux de Nouvel An. À nos fidèles auditeurs, vous pouvez appeler pour souhaiter vos vœux. Et en deuxième partie, comme je l'ai dit, nous aurons notre invité spécial, Souleymane Djildiop, qui va venir discuter un peu avec nous à propos de cette question de la paix en Casamance. Et merci donc, chers auditeurs, ça fait maintenant bientôt 2 ans que nous sommes en émission et que donc vous qui êtes nos fidèles auditeurs, en commençant par notre représentant Momadou Lamine Diémé de Bignona, Boubacar Salifana Diata, Mouniru Diémé, Libas Kouli et Sané, Aliou Sané, et Landing Diata, Lansana Abero, tous qui œuvrent pour la bonne marche de cette radio, à tous ces gens, je souhaite bonne et heureuse année, une santé de béton, pour ne pas dire santé de fer, hein, une santé de béton, et parce que avant tout, il faut la santé. Il faut la santé avant tout. Et tout le reste, c'est une question de matériel. Donc, une paix, la santé et le succès dans toutes vos entreprises. Et que cette année nouvelle soit l'une des plus heureuses qu'on n'a jamais vécues. Merci à tous. Et comme je l'ai dit, le micro est ouvert, vous pouvez donc... appelez si vous avez des vœux à formuler pour vos proches ou les auditeurs de la radio. Et en attendant, on va donc y aller avec de la musique qui va nous accompagner pendant que les gens formulent donc les vœux. Thank you. Allô. Allô. Oui, bonjour Modula. Ça va? Bonne et heureuse année, Momodou. Oui, pareillement à vous, pareillement. Oui, ça va, comment allez-vous? Allez-y, vous êtes en direct là. C'est juste pour vous dire bonjour et meilleurs voeux surtout. Oui. Démarrer ça. Alors, j'ai juste pris en cours. On est en ce moment à la formulation des voeux pour que les gens formulent bonne et heureuse année à tous les auditeurs et aux proches. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est justement pour ça aussi que je dois intervenir pour souhaiter mes voeux à tout le monde. D'abord, surtout aux gens de la radio, surtout. Surtout à les techniciens et tous ceux qui travaillent autour de la radio, et surtout les fidèles auditeurs, que j'ai l'habitude de dire même des sympathisants même, de dire bonnes et heureuses années, et que cette année soit une année de prospérité et de réussite et dans tous les projets surtout. Et pour nous ici en Casamance, surtout une paix définitive, nous avons fort besoin depuis des années. Alors que cette année, je pense que l'espoir s'annonce petit à petit. Et nous souhaitons que ça continue pour de bon. Peut-être qu'avec le nouveau président Macky Sall, il y aura un changement. Toujours on espère. Et avec l'aide de Dieu, on va y arriver, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Voilà, je pense que j'ai à dire juste. Voilà. Merci. Merci, Momodou Lamine Diémé. Il s'agit bien de notre représentant depuis Bignona, la capitale du Fogni. Donc, à tous et à tous, encore une fois, je vous souhaite meilleurs voeux de mon côté aussi, Momodou Lamine, vous et vos parents, et pour la ville de Bignona surtout, et les départements. Et comme vous l'avez dit, on parle de paix, que la paix vraiment s'installe définitivement en Casamance. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Hey, merci. Oui, il s'agissait, comme vous l'entendez bien, Momodou Lamine Diémé, notre représentant depuis Bignona. Et chers auditeurs, comme on vous l'a dit, le micro est ouvert. Vous suivez donc Radio Tandouk Online dans l'émission La Voix des Jeunes. Et que cette première partie est intitulée « Vœux pour l'année nouvelle ». Il s'agit de notre première émission 2013 et la deuxième partie. En ce moment, on reviendra sur avec notre invité Souleymane Djildiop sur la question de la paix en Casamance. Donc, vous pouvez appeler pour formuler vos voeux. Et puis, avant donc la deuxième partie de notre émission. Merci vraiment. Bonne heureuse année. Merci beaucoup. Voilà. Et qu'est-ce que je peux faire? Oui, vous pouvez formuler vos voeux pour les auditeurs. Oui, c'est la première partie de l'émission, donc là, on formule nos voeux à l'intention de tous. Et c'est dans la deuxième partie que nous avons donc notre invité avec Jules Diop sur la question de la Casamance. Ok, donc tout d'abord, je rends vibrant hommage à Radio Tindouk Online. Ouais. Aussi, derrière Radio Tindouk Online, tous ses auditeurs. Et je ne formulerai pas de vœux de nouvel an sans citer mon ami et technicien et représentant de Radio Online Tindouk de Bignana Madula. Et aussi, sans oublier tous ces auditeurs qui sont dans la diaspora, je ne citerai pas les noms, sinon ce serait peut-être du parti pris. Alors, pour l'année 2013, puisse nous donner tout ce qu'on voudrait, ce qu'on voudrait gagner, tout ce qu'on voudrait avoir, et de très bonnes dispositions de réussite. Je voudrais aussi que tous les auditeurs de Radio Tindouk puissent trouver en Radio Tindouk à cette nouvelle année 2013 un plateau vraiment d'échange, un plateau de discussion et un plateau d'enseignement général pour qu'à travers les jours, les semaines, les mois et l'année. Oui. Il y a combien de gens qui sont Oui. Okay. Oui, certainement, il veut aussi formuler ses voeux. D'accord. Allô? Oui. Allô, Raya, il y a un mante bon fourri. Donc, allô? Oui. Il a disparu. Certainement, on lui a arraché le micro. Donc, merci beaucoup, Bobakar Salifana Diata. Eh, mais on a arraché le micro? Ok. Moi, le loquet, moi, mantira, on mante botte, on kifori. Donc, c'est bon, c'est bon. Donc, les auditeurs t'écoutent. Et puis, bonne et heureuse année. Au cap, pour l'obésité. Yo, Ouyao. Vas-y, on t'écoute. Allô? Allô? Voilà, c'était donc Bobakar Salifana Diata, un des fidèles auditeurs aussi de la radio et qui formulait ses voeux, mais il est entouré de sa famille et comme vous le savez, les enfants sont les nôtres. Parfois, on ne peut pas les contrôler. Merci donc aux fidèles auditeurs et encore une fois, je vous le redis, vous suivez Radio Tindouk Online dans l'émission La Voix des Jeunes et un plateau d'échange de la jeunesse et de tout le monde. Hein. Et aujourd'hui, c'est notre première émission pour l'année nouvelle 2013 et que vous pouvez, pour cette première partie, appeler pour formuler vos voeux à l'intention de vos proches, des fidèles auditeurs aussi. Et en deuxième partie, nous aurons notre invité, Souleymane Jules Diop, qui sera parmi nous et on va parler de la question de la paix en Casamance. Koutiom di Koulinom, donc Namande Logoum, mais Kokuri Kadiante, online. Di émission Ayami Burusi Kambano. Allô? Allô? Allô, oui? Oui, Lanzana. Ah, allô? Oui. Ah, voilà, comme mes prédécesseurs l'ont dit, mes meufs à tout le monde, à toute l'équipe de la radio, et surtout à vous. Vu la façon dont vous contribuez pour le développement de cette radio, franchement, on vous souhaite de bons progrès. Merci beaucoup. Voilà, mes meilleurs voeux au monde de la diaspora, à surtout ceux qui contribuent pour la paix en Casamance, en commençant, comme vous l'avez dit, par le président de la République, son Excellence Macky Sall, à son gouvernement, et à toutes les personnes de bonne volonté. Merci. Franchement, on n'attend rien d'autre que de la paix, à part la paix. Rien que de la paix, c'est ce que nous souhaitons. Merci. Merci. On a été trop patients. Trop patients. Et tout ce qu'on attend, c'est de la paix. Ouais. Je souhaite vraiment que la paix revienne dans notre chère Casamance. Merci. Et mes meilleurs voeux aussi à tous les auditeurs. Merci. Merci. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on attend Jules Diop. Merci aussi. On vous reformule les mêmes voeux à vous, à tout votre entourage, votre famille et tout le monde. Donc, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Donc, il s'agit de Lansana Diatta, Lansana Abero Diatta, donc depuis Dakar. Je rappelle, chers auditeurs, vous suivez Radio Tandouk Online, l'émission La Voix des Jeunes Borossi-Kambano. Une année nouvelle, oui, on l'a dit, 2012 a été une année très, très, très mouvementée, et des changements, surtout politiques, partout dans le monde, et notamment au Sénégal. On ne s'y attendait pas, voilà, on a changé. Et puis, c'est au nouveau président qui réitère sa volonté pour la paix en Casamance. Comme vous le savez, c'est un sujet très, très préoccupant. Nous souhaitons donc que la paix revienne définitivement en Casamance et que c'est pour cela, dans cette deuxième partie, il sera question de la paix en Casamance avec notre invité Souleymane Jidjo. Donc, vous pouvez appeler Africa, nous avons un message que nous venons de recevoir pour des voeux aussi, je vais le lire pour vous. Il vient de Arona Jim Diatta. Depuis, je pense, si je ne me trompe pas, il est en Allemagne. Je présente mes sincères voeux pour la nouvelle année 2013 à tous les auditeurs et auditrices. 4 saisons d'amour et d'amitié, 52 semaines de santé, 12 mois de réussite, 1 an de bonheur, 365 jours de joie, bonheur, santé, satisfaction. J'aimerais faire ça en direct, mais je suis occupé. Merci beaucoup donc Arona Jim, le message est passé. Bonne et heureuse année à vous pareillement, on vous reformule les mêmes voeux. Merci et bonne journée. Merci. Pour sauter, Mauritanie, Nigeria, Burkina. Burkina Faso. Kiyane ni rew di gëm ci na Sénégal am ci tam. Yaram bu sel diwan bu sel waye mbep bu ala lu bu lu ma nexe def ci mo ne bu momi la mu yore yow ne la ko te afrika ñu leen jëmbat jëmbat way afrika ma bi ñu ñoko mo nan ko selal senegal la leen def demba way mo wa ci bëgg sa rew jëm ko selal jaamu Amen. Donc, quand même, on a un peu de temps, on a un peu de temps, À l'éducation ou quelqu'un qui a déjà fait une chute, il y a un travail, il doit avoir la clé pour pouvoir cultiver ou faire quelque chose. Mais tout ça, on peut le mettre aussi dans le cadre du travail. Donc tout ça, c'est quand même un peu de la peau pour qu'on a aucun kajama. Amen. Je disais en fait à mes frères et sœurs en fait que j'appelais pour souhaiter une bonne année à tous, que en cette année bon, en fait que chacun puisse retrouver la santé dans la mesure où tout être humain dans toute entreprise qui souhaite en tout cas entreprendre, la première chose à avoir d'abord c'est avoir la santé, parce que sans santé on ne peut pas bouger, sans santé on ne peut pas faire une expansion. Que chacun aussi cette année, que ça nous démontrerait, puisse avoir de quoi nourrir sa famille, de quoi nourrir ses enfants, de quoi nourrir, parce que aussi, même si avec la santé, il faut d'abord que la personne puisse aussi, en tout cas physiquement, qui puisse être, pas dans une capacité physique, mais en tout cas, physiquement, en tout cas, je ne parle pas en termes de force, tout ça, en gros, qui puisse avoir de quoi se nourrir, de quoi nourrir sa famille, tout ça. Et puis que ça aussi, pour ceux qui sont à l'école, que ce soit des gens qui n'ont pas de bons résultats, à défaut d'être à l'école au moins, que ce soit des gens qui ont du travail, et s'ils n'ont pas de travail, s'ils sont là, c'est un travail, que Dieu en tout cas leur facilite les choses, que Dieu fasse ce qu'il nous faut. J'avais aussi parlé de nous, bon, quasiment on n'a pas ce problème-là, mais peut-être que certains ailleurs aussi ont ce problème, ils n'ont pas accès à l'eau potable, parce que sinon, il faut que... accentuée, importante dans la dimension. Donc, en gros, c'est comme ça. Donc, j'avais aussi dit que je souhaite en tout cas qu'on soit des gens qu'on écoute, qu'on soit des gens qu'on sache pardonner aussi, parce que qu'on soit des gens qu'on sache et qu'on ait le sens de monter. Si la crise en permanence, pour le moment actuellement, persiste, c'est parce que quelque part, il y a des gens qui n'ont pas de l'écoute. C'est parce que quelque part, il y a des gens qui n'ont pas son pardon. Et les gens qui ont mal, qui sont dans le droit, c'est parce que si quelque part, on n'est pas en permanence, on n'est pas en ce droit. Donc, voilà en gros ce que je veux dire sur la permanence, je veux en faire que ce qu'on fait. Qui a vu des gens comme moi, mettre des marques et avoir grandi dans le cœur, je veux quand même. Qu'on n'est pas à élever nous, qui sommes nés sur ce conflit, qu'on n'est pas à élever nos générations d'enfants, qui vont peut-être nous demander que, dans l'avenir, qu'est-ce que vous avez fait pour voir de ce conflit. Je suis vraiment que plus de en tout cas, soit pour la casement, en tout cas, l'année, soit de sa vie là, parce qu'on a besoin de cette paix, et que aucun pays dans le monde n'a pu se développer, n'a pu se réjouir à la suite d'un conflit qui a fait des morts. Parce que j'avais dit qu'un mort de la solidarité, sauf que souvent ce sont des gens qui sont morts par une balle, pas des morts cruelles, mais souvent ce sont des morts par balle. Et toute personne qui est morte par balle, même si c'est une personne, je trouve que c'est trop. Donc voilà, moi, ce que j'ai dit en bloc. Bon, je suis en train de voir, de me rappeler ce que j'ai dit en bloc, là, essayer de faire pour la traduction, ça me bloque un peu dans la tête. J'espère que vous, les gens, vous comprenez. En tout cas, je souhaite bon année 2020 à tous. Et c'est une année d'écoute que les gens puissent avoir de l'écoute, année d'unité et puis. Qu'est-ce que je dis encore? En gros, c'est ça. Merci beaucoup. Merci donc. Il s'agit de Libas Koli depuis Montréal. Libas qui formulait ses voeux et surtout, comme il l'a dit, la paix en Casamance. Donc, un des fidèles auditeurs, je vous transmets le message. Je ne sais pas si vous étiez au courant de la part de Momodou Lamine Diémé depuis Bignona, qui vous salue en tant que fidèle auditeur de la radio. Merci. À tout à l'heure, donc. Merci beaucoup. Oui, chers auditeurs, vous suivez Radio Tandouk Online dans l'émission La Voix des Jeunes, Burunsi Kambano. Et donc, il nous reste donc 15 minutes pour cette partie intitulée Vœux de Nouvel An 2013. Vous pouvez toujours appeler pour formuler vos vœux et avant qu'on ne passe à la deuxième partie de cette émission qui sera donc sur. La paix, à la question de la paix en Casamance avec notre invité Souleymane Djildiop. Merci. Et à vous, fidèles auditeurs de Radio Tandouk Online, La Voix des Jeunes, Burunsi Kambano, une émission de la jeunesse et une émission plateau tournant. Et il y a beaucoup d'invités qui se sont succédés ici à travers ce plateau. Nous pouvons citer parmi lesquels nous pouvons citer bien sûr nos grands leaders comme Amadou Silla, SOS Casamance et puis il y a Madame Oui, c'est ça, Amadou Silla, SOS Casamance. Nous avons Madame Diouf de l'organisme Kabon Keto qui était là juste la semaine dernière. Nous avons Ibrahima Amadieme. Nous avons la chère, brave, voyante infirmière de Tandouk. Et puis nous avons Sané, Aliou Sané de la Fédération des Casamancés de l'Europe. Et puis nous avons aussi beaucoup d'auditeurs parmi qui étaient depuis un certain moment avec Momodou Lamine Diémé, notre correspondant à Bignona. Je ne me rappelle pas des noms, bien sûr. On félicite ces derniers aussi. Et puis, de Dakar, nous avons aussi le directeur du Caxus qui a été interviewé par Lansana Abero, bien sûr, qui venait de passer tout à l'heure, formuler ses voeux aussi à l'intention des auditeurs. Et à tout ce beau monde, nous souhaitons bonne et heureuse année et une année de paix, de santé, de réussite. Et oui, Momodoula, on vous reçoit très bien. Ouais, c'est ça, c'est bon. Donc, vous pouvez toujours appeler pour formuler vos voeux. Et Radio Tandouk, c'est la vôtre, c'est votre radio. Et comme je l'ai dit de tout le temps, vous pouvez, si vous avez peut-être des sujets à exposer ici, vous pouvez nous contacter. Et puis, on va vous prendre en entrevue, que ce soit à partir d'ici ou bien du Sénégal avec nos représentants. Et il y a aussi une émission qui a été démarrée avec, je le rappelle bien, la jeunesse étudiante de Tandouk, en l'occurrence avec Momodou Lansana Abero, au Sankéno Oral à la Bangolal. Donc je pense que cette émission va être réactivée et puis ça va redémarrer. En certains moments, c'était bien sûr avec les vacances, vous savez, les étudiants pendant les vacances, ils sont dispersés, ils sont partout, mais là, ils sont revenus et puis l'émission va pouvoir recommencer très bientôt. Je vous informe aussi que le samedi prochain, nous serons en direct de la Gambie à Banjul avec le mini-congrès de Honoro de Tandouk. Honoro, c'est la grande association de Tandouk et qu'ils seront à mini congrès, mais cette fois-ci c'est à partir de la Gambie et nous ferons tout pour que cette émission, pour que ce congrès puisse passer en direct pour ceux qui seraient intéressés à l'écouter. Merci encore une fois, vous avez quelques minutes, vous pouvez appeler toujours pour formuler vos voeux et en attendant, on va remettre notre intermède musical. Kune am say salen salen, nit kune am day kesen kesen. Ku bëgg li ci nga bëgg la ca dess, bëggu mbëggel lu mbëggel du ko gis. Kune am say salen salen, kune am say kesen kesen. Khalibi yaye wax na mu bay Khalibi bay ba wax na mu bay ki mu bëgg mom neena du ko ba buñ ko waxe mu ne ndox mama ray ku ne am say salañ salañ nit ku ne am say kesseñ kesseñ Oui, vous ça êtes... va, tu vas bien? Ça va bien, merci, Awa. Vous êtes en direct sur la radio. Uh-huh. On est en train de formuler des vœux pour le nouvel an. Ça, c'est la première partie, donc pour cette année nouvelle. Uh-huh. Oui, allez-y, on vous écoute. Donc là, tout d'abord, je tiens à saluer tous les candidats. Et je profite de l'occasion aussi pour souhaiter une bonne et heureuse année à tout le monde, à tous les auditeurs, plus particulièrement au Tandoupa. Que cette année soit vraiment une année de paix, de joie, de prospérité, de réussite et surtout de santé et ça, et que tout le monde voit vraiment le logo se réaliser. Que ça devienne une réalité et que vraiment que la Casamance retrouve sa paix, donc qu'on ait vraiment sa paix à partir de cette année, qu'on oublie toutes les, comment ça s'appelle, qu'on oublie les attaques, les guerres et autres, donc que vraiment la rébellion soit une histoire pour la Casamance. Mm-hmm. C'est ça que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci, Awa. Je reformule les mêmes voeux pour vous, à vous et à toute la famille à Diamalaï, particulièrement à ton père. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oussa Fontofoulandia. Ok, donc c'est Awa Goudiabi depuis Dakar. Donc, et en attendant, donc, on avait... Aliou Sané qui essayait d'appeler, mais c'est l'appel est venu en même temps que celui de Awa. Je ne sais pas si on peut aller le chercher avant d'aller donc pour notre invité Souleymane Jules Diop. On va lui retourner l'appel. Il avait appelé. Allô. Oui, Sané. Oui, ça va? Ça va très bien, merci. À part ça? Ça va, alhamdoulilah. Bonne et heureuse année. À vous de même, content de vous entendre là, avec la nouvelle année qui est là, dans l'espoir. Oui, oui, oui. Et vous, la famille? Ça va très bien, merci. Ok, mes meilleurs vœux encore de plus encore. Merci beaucoup. Donc, vous êtes en direct sur Radio Tandou. Oui. Et on est en train de se formuler des vœux de nouvel an et avant de passer donc à la deuxième partie de l'émission sur la paix en Casamance. Oui. Oui, allez-y. Bien à vous. Qu'est-ce que vous À vous de même, merci beaucoup. Voilà, comme je l'ai dit, n'écoute pas la radio parce que c'est... D'abord. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a du retard si vous suivez la radio. Oui, oui, je vois ça, oui. Voilà. Comment donc, vous allez? Vous avez les meilleurs voeux de tous les immigrés casamassés en Italie aussi. Hein. Merci beaucoup. Mais précisément notre président, Mamadou Lamine Guédé. Merci beaucoup. Et tout le monde a envie de vous entendre, de vous voir et de parler avec la radio Tandouk, à qui vraiment les immigrés admirent beaucoup. Merci beaucoup. J'ai fait une campagne d'ailleurs pour que, disons, faire écouter les gens la radio Tandouk. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, avec mon grand plaisir, avec mon collègue Enrico, à qui aussi ne manque pas vraiment d'adorer la Casamance. Merci beaucoup. Et je donne tous mes meilleurs voeux à ceux qui m'ont connu, ceux qui m'ont entendu une fois à la radio, encore de plus, meilleurs voeux que la paix règne dans notre chère Casamance et dans tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Vous, je sais que Dieu vous protège et vous donne tout ce que nous voulons et dans le bon sens aussi. Merci beaucoup. Et bon, merci beaucoup à vous aussi et vraiment, je suis content de vous entendre. Merci Sané. Et à travers Salifana aussi et les autres, vraiment, je ne manque pas à les saluer aussi. D'accord. Ouais. D'accord. Et le doigt et Niab aussi, que je ne manque pas, Kader, tout ça. Je salue tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Je suis à l'écoute. Certainement, je laisse la ligne pour que les autres puissent aussi entrer là-dedans. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci. Donc, il s'agit de Sané, Aliou Sané, donc secrétaire général de la Fédération des Casamançais de l'Europe, qui appelle depuis l'Italie. Donc, sans plus tarder, chers auditeurs, on va donc aller chercher notre invité pour parler donc de la paix en Casamance. Et en attendant, on va mettre une intermède musicale. Et je vous souhaite une bonne écoute. Koune, am say salen salen. Nit koune, am de kesen kesen. Koupe kouli, tinge beke la jades. Betoumbe kiel, koupe kis. Koune, am say salen salen. Koune, am say kesen kesen. Khalibi yaya wakman mouban. Khalibi baybe wakman mouban. Kimu beke mon, nena du koba. Winko wakhe. Chers auditeurs, nous sommes donc revenus pour la deuxième partie de notre émission. Et là, comme je vous l'ai dit, on va avoir notre confrère Souleymane Jules Diop. Souleymane Jules Diop, comme vous le savez, fut le chroniqueur le plus lu à travers les médias sénégalais, surtout pour ces dernières années. Il y avait aussi, c'était lui qui animait l'émission Ki Deug Deug à travers CNEWeb Radio. Et aujourd'hui, il est membre du gouvernement de Macky Sall. Il est ministre conseiller et il est à l'ambassade de Genève pour les affaires économiques. Donc, il est aussi fils de la région. Et il va venir parmi nous pour nous parler un peu de ce qu'il entend par paix avec le nouveau gouvernement. L'espoir, si l'espoir est permis, bien sûr, comme tout le monde l'a si bien souhaité ici, pour la nouvelle année, qu'il y ait la paix en Casamance. Car à un certain moment, il le disait, il était basé en Casamance dans le cadre professionnel. Donc nous allons l'amener tout à l'heure et puis il va nous parler de cette paix et puis le rôle de la diaspora, le rôle que la diaspora peut jouer pour donc cette paix-là. Et puis en deuxième partie, vous pouvez appeler pour donc des encouragements ou bien des questions par rapport à ce qu'il nous dira ici. Donc c'est parti, on va aller le chercher et puis on vous revient et on vous souhaite une bonne écoute. Vous suivez Radio Tandouk Online. Pour les gens qui nous ont pris en cours, je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez vous rajouter dans le Skype à tandouk.net. Et je vois qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous suivent aujourd'hui, qui sont en direct et certainement ils vont vouloir peut-être intervenir sans savoir comment. Et, mais nous prendrons les appels que quand il finira son mot, son allocution. Et en ce moment, sans tardé, on va donc le mettre en ligne et puis je vous reviens. Merci. Jules Diop. Oui, Djemé. Oui, c'est Djemé. Comment vas-tu? Ça va, ça va, ça va. Ok, d'accord. Vous êtes en direct sur Radio Tandouk Online? Oui. Ouais, donc aujourd'hui c'est notre première émission pour l'année nouvelle. Ah oui. On souhaitait des vœux pour la première partie et puis la deuxième partie, on s'est dit on va donc discuter un peu sur le problème de la Casamance qui concerne tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Et en premier chef, je sais que vous êtes très préoccupé par cette histoire de paix en Casamance. Absolument. Et c'est dans ce cadre qu'on a dit qu'on va vous appeler pour que aussi vous donnez votre mot par rapport à cela et surtout ce que vous attendez aussi de la diaspora casamançaise pour cette paix-là. Merci. Vous pouvez y aller. Oui, merci. Je salue vos auditeurs et surtout je salue l'initiative parce que se faire entendre dans la diaspora à partir d'un village, c'est d'une localité de la Casamance, c'est très important. J'ai toujours insisté sur le fait que les Casamançais, surtout qui vivent à l'étranger, de la diaspora, doivent s'impliquer dans la recherche de la paix en Casamance parce qu'ils sont les premiers concernés par cette affaire. Ce type d'initiative, c'est très bien parce que ça consolide les liens et aussi ça permet un débat qu'on devrait avoir parfois que la distance ne permet pas. Mm-hmm. Aujourd'hui, par la magie de l'Internet et de la radio, on peut se faire entendre partout. C'est comme ça, moi, dans un ordinateur que je me suis battu pendant ces 8 dernières années pour me faire entendre. La Casamance, ça me concerne doucement, ça ne me concerne pas mes origines. Je suis né à Ziguinchor, ma grand-mère est de Cabrousse, sa mère est de Cabrousse, donc ses grands-parents sont des Guémarins. Et par parenté, je suis lié, je peux même dire à la naissance et de la rébellion, parce que l'abbé Diamokoun, moi j'ai connu l'abbé Diamokoun, je devais avoir 3 ans. J'étais lié à la plupart des responsables de la rébellion qui étaient des parents. Edmond Bora habitait pratiquement chez ma grand-mère. Parce que puisque ma grand-mère habitait à Cabrousse, tous les gens qui venaient à Ziguinchor logeaient et habitaient chez ma mère. Chez ma grand-mère. Ma grand-mère m'a raconté comment sa mère a été arrêtée quand Aline Sitoé a été arrêtée. Parce que quand on a amené Aline Sitoé à la maison d'arrêt de Ziguinchor, ils ont dit à sa mère, si tu lui amènes à manger, on va t'arrêter. Sa mère a dit, je ne peux pas ne pas lui amener à manger, lui amener à manger. C'est comme ça que la mère de ma mère, Abou Kito Diata, la grand-mère de ma mère, Abou Kito Diata, a été arrêtée quand Aline Sitoé a été arrêtée. Et c'est grâce au commandant de l'époque, de celle de l'époque, qui était le commandant sur le mont, que ma grand-mère n'est pas, mon arrière-grand-mère n'est pas partie en déportation. Et l'abbé Diamokoun, pareil, c'est l'abbé qui a amené ma mère à l'école. C'est l'abbé qui a amené toute ma famille à l'école. Elle était professeure de philosophie de ma mère plus tard. Et quand ma mère a voulu se débarrasser de ses porcs qu'elle avait à la maison, c'est à l'abbé qu'elle les a donnés. Et quand je l'ai vu en 2002, c'est ça qu'il m'a rappelé, en me disant, dis à ta grand-mère que tous les porcs qu'elle m'avait donnés, les cochons, que j'avais laissés à Kandé, ce sont les militaires qui les ont pris et qui les ont mangés. Parce que son orphelinat à Kandé a été détruit quand Dien a été nommé général. C'est une autre partie d'histoire, des détails historiques qui sont importants. C'est ce qui me lie à la rébellion. Et aussi quand je suis venu en tant que journaliste à Wolf Agri, j'étais spécialiste de la question. Et en tant que tel, donc je connais la question, en plus d'être originaire de là-bas. Donc je m'intéresse doucement à cette question parce qu'elle me préoccupe, parce qu'elle m'est liée à mon histoire. J'étais très jeune, j'avais à peine 10 ans. Quand j'ai entendu les premiers coups de rafale, les premiers coups de canon, quand j'ai vu des gens passer avec des bras cassés, démembrés, avec du sang, et ce traumatisme m'a poursuivi jusqu'ici. Quand il y a quelques années, j'ai vécu les mêmes traumatismes ici. Donc, pour dire que à quel point je suis préoccupé par cette question. Maintenant, vous savez que j'ai toujours décrié la gestion de l'affaire par le régime d'Abdoulaye Wad et surtout le rôle que l'argent a pu jouer dans la division des gens, dans les problèmes que les gens ont connus. Ce n'est pas la peine de revenir sur tout l'historique qui a mené aux problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Quand le président de la République allait accueillir les prisonniers libérés à la base, à l'aéroport, j'étais avec lui, je tenais à y être. Parce que c'était un grand moment. C'était la résultante d'une gestion discrète, d'une gestion efficace, d'une gestion inclusive. Parce que la diplomatie ne s'embarrasse pas de beaucoup de paroles. Et nous avons pu, en l'espace d'un an, libérer les prisonniers. Pourquoi? Parce que quand le président de la République est venu, il a voulu inclure tout le monde, associer tout le monde à la dynamique de paix. Et c'est comme ça que des gens qui ne sont pas de son parti ont été inclus dans le dialogue, dans la dynamique, mais aussi nos voisins. Mais surtout, beaucoup de choses, un fait important qui nous a permis ça, c'est que quand il est venu, il n'a pas fait comme Abdoulaye Wad, c'est-à-dire arriver et lancer un appel, un mandat d'arrêt international. J'ai toujours dit qu'on ne peut pas faire la paix en Casamance sans inclure, en excluant une partie de la Casamance ou des Casamanciers. On ne peut pas faire la paix en Casamance sans Kourmassani. On ne peut pas faire la paix en Casamance sans Salif Sadio. C'est impossible. Mais on ne doit exclure personne dans la dynamique, dans la discussion pour la recherche de la paix. Il y a eu des moments d'incompréhension, il y a eu des moments de frustration qui ont conduit à ça. Et aussi des erreurs immenses. Moi, j'ai des parents qui ont disparu. J'ai des parents qui ont disparu. J'ai des jeunes qui étaient au lycée, au collège à Ziguinchor, qui mangeaient chez ma grand-mère, que je connaissais, qui étaient des amis, qui étaient des cousins, qui étaient des parents, qui ont disparu. Certains ont été arrêtés et ont disparu. Il y a eu des cas de marge d'erreur. Je donne souvent l'exemple de Salif Sadio, qui était un élève, qui aurait pu connaître une carrière brillante et devenir un Sénégalais illustre, qui a été obligé de prendre le maquis et aujourd'hui de diriger la rébellion. Mais j'ai noté chez lui une évolution positive et surtout une confiance qu'il fait à Macky Sall. Parce que c'est un homme de son âge, c'est un homme de sa génération et ils peuvent se parler plus facilement. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des erreurs de part et d'autre. Mais il y a eu aussi un comportement que moi j'ai toujours dénoncé. C'est les gens du MFDC, surtout le Macky, c'est que quand on se bat pour libérer un peuple, on ne peut pas se retourner et attaquer ce peuple et piller ce peuple et tuer ce peuple. Et en aucune façon, ça je le dirai toujours, s'attaquer à des civils, c'est inacceptable. S'attaquer aux populations casamancaises, quel que soit l'auteur, de ces attaques, c'est inadmissible et c'est à dénoncer. Maintenant, les conditions dans lesquelles la rébellion s'est amplifiée, il y a eu une arrestation malheureuse, malencontreuse de l'abbé Diamokoun Senghor, alors qu'il dénonçait une situation que tous les cadres sénégalais dénonçaient quand Abdou Diouf a reçu les 27 cadres canadiens en 1980. Ce qu'ils lui ont dit, c'est ce que l'abbé Diamokoun a dit dans une conférence de presse et dans une lettre à Senghor. Et il y a Mamadou Dia dans un souci qui est allé plus loin, qui a considéré à l'époque que la Casamance était une poudrière qui allait prendre feu et que c'est né de 30 ans d'injustice et de frustration. Voyez-vous? Donc, essayer de corriger la situation économique qui avait conduit à ça, faire des correctifs et engager tout le monde tous les Casamanciens dans la dynamique de paix pour qu'on cesse la guerre et qu'on développe notre région. C'est une belle région. Nous avons la chance d'avoir de belles plages, d'avoir de belles forêts. Et surtout, un peuple digne, un peuple travailleur, c'est d'ailleurs sa dignité, sa grande dame, et surtout parce que c'est un peuple de refus. De refus. Qui nous a valu aujourd'hui cette rébellion, parce que les gens sont arrivés à un moment donné où ils ont pensé que le seul moyen de se faire entendre, c'était la rébellion. Aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique. On ne peut pas penser la Casamance sans le Sénégal. C'est faux. J'ai dit récemment, en intervenant à une conférence, quand je modérais une conférence à la rencontre des jeunes de l'APR, que c'est faux de dire que la Casamance a une histoire qui est séparée de celle du Sénégal. La Casamance a donné au CIM, au CRR, leur premier roi. Il s'appelle Mansa Wali Mané. C'est un Casamancien. La Casamance, les ethnies dominantes en Casamance, en dehors des Djolas, ce sont les Peuls et les Mandingues. Mais ils sont présents un peu partout au Sénégal. Vous comprenez? Et tous les gens au nord ont des parents au sud. Tous les gens au sud ont des parents au nord. Quand vous allez à Saint-Louis, vous trouvez des Ndiago qui sont là-bas depuis 400 ans. Vous trouvez des Diata qui sont là-bas depuis 200, 300 ans. Ouais. Et quand vous dites Ndiaye, vous dites Diata. Quand vous dites Diata, vous dites Ndiaye. Donc l'idée que la Casamance a évolué de façon unilatérale, séparée du reste du Sénégal, c'est un mythe. Mais ça n'enlève à rien le fait que chaque peuple a le droit, a un droit à un moment donné, et même chaque homme a le droit de penser qu'à un moment donné, il veut être libre, il veut son autodétermination. Nous avons vécu ici au Québec où depuis longtemps cette question a connu une prise en charge politique. Et parfois dans les mêmes termes, je veux dire en termes de violence, de ce que nous avons connu en Casamance. Ce qui est problématique, ce n'est pas le fait de dire la Casamance a sa spécificité qu'il faut prendre en compte, en charge. Ce qui est inacceptable, encore une fois, c'est la violence qui l'accompagne et les morts inutiles que ça cause. C'est ça qui est inacceptable. Et c'est ça qu'il ne faudrait plus en Casamance. Voilà, c'est vraiment ce que je tenais à dire sans entrer maintenant dans les détails de qui a fait quoi. Parce que maintenant, il nous faut nous tourner vers l'avenir, essayer de régler ce problème pour le développement et surtout pour le bien du peuple casamancien. Parce que nous ne pouvons pas dire nous nous battons pour les Casamanciens. Et en même temps, nous retourner contre ce peuple casamancien-là et lui causer des misères, et les misères qu'il connaît. Parce que quand vous regardez bien, quand il y a des militaires morts, s'il y en a trois, les deux sont casamanciens. Quand on pisse des boutiques, on pille des boutiques de casamanciens. Quand on coupe des routes, on coupe des routes de casamanciens. Quand on brûle des villages, on brûle des villages de casamanciens. Donc il faudrait réfléchir à ça. Aussi évaluer l'impact de toute l'action militaire qu'il y a eu et tourner la page parce que tout ça nous coûte des souffrances, des morts inutilement. Voilà. C'est ça. Merci donc, Souleymane Diop. Et par rapport à la diaspora, on sait qu'actuellement, elle commence à devenir très importante, la diaspora casamanciaise. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire comme contribution pour réel, pour donc amener à cette paix-là? Écoute, c'est un fait que, évidemment, à moins que l'on ait une notion restrictive de la diaspora, qu'on s'en fait une idée restreinte, c'est un fait que la rébellion, en tout cas militaire et armée, s'est faite essentiellement en dehors du Sénégal, du territoire sénégalais. Et les premières tentatives de règlement se sont faites en dehors du territoire sénégalais. Souvenez-vous que c'est à Cochon en 1991. Et ensuite, en 99, les dernières grandes vraies négociations qu'on a connues, c'était en Gambie. C'est aussi un fait que quand il y a eu la répression militaire et la répression pénale en au Sénégal, la plupart des animateurs de la rébellion ont fui à l'étranger et se sont constitués une base solide à l'étranger pour mener la rébellion, en tout cas au plan idéologique et politique, à partir de l'étranger. Okay. Il y a eu les Assouman au Portugal, il y a Apakene maintenant en Allemagne, il y a eu Jean-Marie à Lyon, il y a eu Kourouma qui vit toujours à Paris. C'est un fait. Et il est clair que l'essentiel de la contribution, en tout cas financière, qu'il y a eu, l'a été à partir de l'étranger. C'est un fait. Et donc, l'implication de la diaspora s'est faite jusqu'ici, en tout cas de ce point de vue-là, à partir de l'étranger, à partir de la diaspora. Donc la diaspora, elle est concernée. Elle est doublement concernée aussi parce que s'il y a des problèmes là-bas en Casamance, ce sont les gens ici qui se cotisent, qui envoient de l'argent, qui soutiennent les populations, aujourd'hui qui sont dans des projets collectifs, communautaires, de foyers, de routes, d'écoles, de classes. Mmh. Et voilà. Et tous les gens qui quittent ici, qui vont en Casamance ou en vacances ou pour retourner au pays, ils voient l'état de la Casamance, l'état des routes. Les routes sont coupées, les ponts sont cassés, et on ne peut rien faire, on ne peut pas travailler, on ne peut pas réhabiliter les infrastructures de la région à cause de la rébellion, des mines, les champs qui sont dévastés, et tout ça, les gens le vivent. Et évidemment, la première entité à laquelle on fait appel, quand il y a un cas de désastre, un cas de difficulté, c'est la diaspora. Donc nous sommes les premiers intéressés, les premiers concernés par le retour à la paix en Casamance. Et c'est pourquoi les gens doivent s'organiser pour peser sur le débat en cours en Casamance. On ne peut pas faire la paix en Casamance sans les Casamançais, et surtout sans les Casamançais de la diaspora, et surtout ceux qui sont sortis et qui ont un niveau de détachement et un niveau de compréhension de la question beaucoup plus fine, beaucoup plus raffinée que ceux qui sont restés au pays, qui sont dans les villages, qui sont dans les champs. Donc il est important que les gens s'organisent pour poser dans le débat. Ce que je reproche au Casamance, et j'ai fait le même reproche à Casa Espoir. Une fois, les gens m'ont approché pour me dire « on t'invite, on veut t'inviter pour animer une conférence », j'ai dit « à la seule condition qu'on parle de la Casamance ». Parce que je ne sais pas pourquoi les cadres casamançais se sont laissés entraîner dans une sorte de complexe qui fait qu'ils ont presque peur de parler des problèmes de la Casamance. Mais pourquoi? C'est un problème. Et il faut parler de ce problème-là parce que ce n'est pas un sujet tabou. C'est un problème réel qui est une priorité pour le développement du Sénégal. On ne peut pas envisager le développement du Sénégal sans la Casamance qui faisait dans le secteur touristique plus de 40% des capacités d'accueil touristique. Sur le plan économique, qui était le grenier du Sénégal, qui avait en tout cas la vocation, on ne peut pas faire le Sénégal sans faire la Casamance. Et c'est pourquoi la question casamançaise est une priorité. Sans compter maintenant le coût économique pour tout le Sénégal, parce qu'au plan budgétaire, il faut supporter la mobilisation de 3000 soldats. Il faut supporter un effort de guerre qui est coûteux. Ouais. Et de ce point de vue-là, la diaspora doit s'impliquer. Maintenant, les modalités dans lesquelles la diaspora doit être impliquée dans le règlement du conflit casamancé, il faut les définir, il faut les trouver. Mais le premier, à mon avis, pas essentiel, c'est que les gens s'unissent et qu'ils en discutent et qu'ils en parlent et qu'ils offrent des perspectives de solution à partir de l'expérience qu'ils ont ailleurs, dans d'autres pays, et à partir aussi de l'idée qu'ils se font de la paix en Casamance et de son développement. Aujourd'hui, la diaspora s'organise pour poser, pour voir dans quels moyens elle peut participer au développement économique du Sénégal. Mais les Casamançais, sur ce plan-là, doivent en faire entendre leur spécificité et surtout la particularité de leur problème du fait de sa nature. C'est qu'on ne peut pas développer la Casamance, on ne peut pas parler d'investir en Casamance s'il n'y a pas la paix en Casamance. Donc la paix est une priorité pour les Casamançais de la diaspora. En tout cas, dans n'importe quelle conception du développement économique du Sénégal. Et c'est pourquoi cette question est urgente. Il y a des associations dans la plupart des pays, des associations de Casamançais. Il y a quelques années, les Sénégalais, les Casamançais des États-Unis voulaient m'inviter à leur fête annuelle pour parler de la Casamance. Au dernier moment, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça ne s'est pas fait. Alors qu'au même moment, j'allais en Allemagne, j'allais un peu partout dans le monde pour discuter, parler des problèmes du Sénégal. Il y a Casa Espoir. Ici, je suis Casamançais. Aujourd'hui, je considère que le conflit Casamançais, pour l'avoir couvert pendant près de 20 ans, pour être né en Casamance, pour avoir connu la plupart des chefs rebelles Casamançais, je considère que je ne connais pas un Sénégalais qui connaît ce problème mieux que moi. Je vis au Canada depuis 8 ans. Il y a Casa Espoir ici. Jamais il n'y a eu une rencontre organisée par Casa Espoir autour du problème casamancé. Ils l'ont peut-être fait en mon absence. Ils sont allés chercher quelqu'un qui n'a rien à voir avec la Casamance, qui n'a jamais habité en Casamance, qui n'a jamais eu comme spécialité la question casamance, pour parler du problème de la Casamance. Ouais. Ça, c'est des problèmes. Et voilà. Mais aujourd'hui, il faut regarder devant, tourner la page et puis essayer de voir comment nous pouvons régler ce problème. Et je peux dire que nous sommes sur la bonne voie. Aujourd'hui, Salif est dans de bonnes dispositions. Kourma, pareil, en réalité, Kourma, il avait surtout un problème, il n'a jamais été contre la paix. Mais moi, je comprends que quand quelqu'un vient et comme premier acte, il pose, il lance un mandat d'arrêt international contre vous. Donc, les gens défendent d'abord leur honneur avant tout. Et c'est le problème qu'il avait avec la Tlaïwa d'aujourd'hui. Bon, après 30 ans, il faut explorer d'autres voies. On peut développer la Casamance, on peut redonner à la Casamance sa dignité, on peut rétablir la justice sans pour autant utiliser des armes par d'autres moyens. Là, pour rendre les Casamances indépendants, il faut déjà économiquement les aider à se développer. Très bien. Le premier acte d'indépendance, c'est un acte économique. C'est ce qui amène la personne à ne plus dépendre d'une autre personne pour vivre. Donc, et aussi, avec votre position actuelle en tant que ministre conseiller, je sais que vous êtes à Genève, est-ce que l'espoir est permise, donc, avec ce nouveau... Non, je ne suis pas seulement à Genève. Je suis ministre conseiller spécial du président de la République aussi. Le président de la République me fait l'honneur de me consulter sur de nombreuses questions et sur la Casamance aussi. Et je suis animé par l'espoir et par la certitude que nous allons vers un règlement définitif du problème Casamance. Définitif. Amen. J'en ai la certitude. Et je m'implique personnellement, le président de la République le sait, dans ça. Et tout ce que je peux faire, je le ferai. Tout ce que je peux apporter comme soutien, comme aide, comme conseil au président de la République, je le ferai. En réalité, je passe autant de temps à Bruxelles qu'à Dakar, et peut-être même plus à Dakar qu'à Bruxelles, justement, parce que sur certaines questions, le président de la République me demande mon avis, m'implique, il me confie des missions, et j'essaie de les exécuter de la manière la plus diligente possible pour le bien du Sénégal. Et pour le moment, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Donc, chers auditeurs, je vous rappelle, vous suivez Radio Tandouk Online. Nous avons comme invité Souleymane Jules Diop, comme il l'a dit tout à l'heure, conseiller spécial du président de la République. Et il est question de la paix en Casamance. Comme tout le monde l'a si bien souhaité ici avant son arrivée, à l'unanimité, on vraiment pris pour qu'il y ait une paix définitive en Casamance, car comme vous le savez bien, il y a certains villages qui sont jusque-là abandonnés à cause bien sûr de ce conflit-là. Donc Souleymane, nous sommes très très très contents de vous recevoir ici à travers le plateau de Radio Tandouk Online. On essaye la diaspora, d'unir la diaspora, c'est parti. Du côté de l'Europe, je sais, bien sûr, il y a Aliou Sané qui nous écoute actuellement parce qu'ils sont en train d'essayer de fédérer les Casamançais qui sont là-bas. Je pense que ce sont des gens à encourager. Il a eu à nous contacter ici. Oui, allez-y. En tout cas, moi, je suis disponible, je suis disposé à accompagner, à aider, à apporter mon expertise et surtout à servir de lien entre la diaspora casamançaise et je me ferai leur messager à tout moment auprès du président de la République. Je sais que Macky Sall est bien intentionné et il veut vraiment régler ce problème-là. Et voilà, moi j'encourage tout le monde. Et je salue tout le monde encore une fois et comme on dit, Benacia. Benacia, c'est quoi? C'est espagnol ou... À la prochaine. Ok. Donc, si... d'accord. Donc, merci Souleymane Jules Diop de nous avoir accordé ce temps d'antenne et j'espère qu'on se retrouvera une autre fois pour une prochaine émission. Merci. Merci. Chers auditeurs, vous l'avez suivi, c'était Souleymane Jules Diop en direct sur Radio Tandouk Online dans l'émission Burunsi Kambano, La Voix des Jeunes. Et nous, il l'a souhaité et encore après l'avoir écouté, je pense que l'espoir est permis. On espère bien que la paix revienne dans notre chère région, la Casamance. Et que nous allons faire une petite intermède musicale. Ensuite, on va donc prendre des appels s'il y en a. S'il y a des commentaires ou peut-être des félicitations ou tout ce que vous voudrez dire par rapport à cette entrevue avec Souleymane Jules Diop. On va y aller avec vraiment un morceau spécifique qui concerne vraiment cette paix en Casamance. Merci. Thank you. Accra. Wow, harama jëlal le feulé sa commentaire quoi déglou nga émission bi ba koy déglou Souleymane il est intelligent wow. Yo, yo haral ma jël le feulé quoi jël le feulé on live tu fais ton commentaire. Allô. Oui, allô. Oui, Alpha. Oui, Radio Tambour. Oui, comment allez-vous? Ah, je vais bien, là. Bonne et heureuse année, allez-y. Moi, je tiens vraiment à remercier Souleymane Diouf Diop. C'est quelqu'un que je pense qu'on ne peut pas l'exclure pour la négociation à Casamance. Tout ce qu'il a révélé, il a parfaitement raison. Et en connaissant Casamance, c'est pas facile de pardonner, mais il faut que les gens de la diaspora s'y mettent la main dans la main pour qu'ils travaillent. Donc, tout ce qu'il a dit, je n'ai pas à poser des questions parce que particulièrement, je connais la Casamance, je sais que c'est pas facile, j'ai grandi là-bas. C'est triste de révéler de ces choses qui se sont passées, mais je me rappelle que la situation était deux fois tendue, que on attendait des tirs, tout ça, mais on a grandi avec eux, mais c'est pas facile de pardonner. Mais je trouve qu'avec le gouvernement de Macky, je parle pas de politique, mais ça va aller. Et que Souleymane, moi, tout ce que j'ai à lui dire, c'est que c'est quelqu'un qui s'est battu aussi longtemps pour le bien des Sénégalais. Donc, d'essayer et en Casamance, d'aider que la paix revienne en Casamance. Je sais que à lui seul, ça sera pas facile. Mais c'est quelqu'un vraiment qu'on doit beaucoup de respect et qu'on tire grand chapeau. Quelqu'un qui s'est sacrifié pour s'exiler à tout, ben, pour s'exiler pour un but vraiment que tout le monde sait, c'était avec la corruption de l'ancien régime. Donc, tout ce que j'ai à dire, c'est que grand Souleymane aide les Casamançais, tu as de bonnes idées et puis voilà qu'on est là. On est là et puis on va te soutenir. Merci beaucoup. Merci. Merci Alpha. Merci Alpha. Bonne et heureuse année. Bonne et heureuse année, Souleymane Diouf Diop. Dis-lui que la neige lui manque au Canada. Là. Il est en ce moment-là. Il est en train de goûter un peu là. Ok. Ok. Bon. Merci beaucoup. Allez. Merci Alpha. Allez. Et tu nous salues les gens de Sherbrooke. Allez, merci, à bientôt. Là. Merci. Donc, chers auditeurs, c'est Alpha Omar Diallo de Sherbrooke, Canada, donc, qui appelle. Vous pouvez appeler maintenant si vous avez des commentaires à faire. Et puis, c'est ça. On est, je pense, à 14 minutes de la fin de notre émission. Là, c'est Libas. Allô? Allô, Libas. Allô, oui. Oui, vas-y. Demain, est-ce que je le vais en ligne d'abord? Oui, vas-y, t'écoute. Oui, en fait, je le remercie pour ces brefs interviews qu'il a fait sur la performance. Moi, je vais aller pour leur sujet. J'ai beaucoup de choses à dire sur ça, sur ce qu'il a dit. Moi, je pense qu'il faut qu'on distingue trois choses sur le compte de la performance. D'abord, ma question est de savoir, en tant que Sénégalais ou en tant que Casamancien, ton sentiment de réussite ou quoi, il faut d'abord que les gens reconnaissent. Est-ce que les Sénégalais reconnaissent qu'il y a des inégalités, il y a une injustice dans la répartition des biens de la nation, oui ou pas? Et de mon point de vue personnel, aussi longtemps qu'on va continuer à nier cela, le problème ira mieux. Ça, c'est quelque chose à distinguer. La deuxième chose à distinguer, c'est quels étaient les secrets juridiques de la Casamance. En tout cas, les MFC se basent sur ça. On nous parle de souveraineté, on nous parle de souveraineté, de plus ou moins technique, je ne maîtrise pas la situation. Ça, c'est le deuxième aspect. Donc, il y a d'abord la crustation, c'est la marginalisation, c'est la discrimination, tout ça qui fait. Je pense que, personnellement, moi, j'ai grandi à Casamance. Il y a des choses dont on n'a pas bénéficié. Moi, je vais donner un exemple. Hein. Je vais donner un exemple. Moi, je fais l'allemand de centre de mathématiques à Dakar. J'étais parmi les maires, par mon récit, je ne vois pas quel est le rang que j'ai occupé. On devait, par exemple, me donner un ordinateur, il y a tout un arsenal technique, mais au 2009, on l'a pris, celui-là, où j'ai occupé ça. Tu comprends? Quelqu'un qui était membre du comité m'a dit, mais félicitations, j'ai vu ce qu'on t'a donné, mais qu'est-ce qu'on m'a donné? J'ai dit, non, là, j'ai mis aussi. Mais ça, ce n'est juste qu'un exemple. Il faut qu'on le reconnaisse. Est-ce qu'il y a eu frustration ou pas? Est-ce qu'il y a eu une marginalisation? Est-ce qu'il y a eu des choses qui sont passées et même qui continuent de se passer qui ne devaient pas être? Ça, c'est un aspect du conflit qu'on doit reconnaître. Si les Sénégalais et de façon générale, l'État du Sénégal refuse de le reconnaître, on n'ira nulle part. Même avec la volonté de Salif Sadio, ça n'ira nulle part. Je suis catégorique là-dessus. La deuxième chose sur attends, laquelle. Attends, Libas, attends, ne quitte pas, je vais juste ajouter à. Ok, je m'excuse parce qu'il y avait un appel et puis le gars il a insisté, je voulais l'ajouter à la conférence, mais on va le reprendre tout à l'heure. Allez-y. Ok, la deuxième chose sur laquelle il faut insister, il faut qu'on accepte en tant que Sénégalais qu'on discute du statut juridique de la Casamance à l'année. Parce que les MFDC se basent sur ça, on nous parle de plein de choses et il faut que l'État du Sénégal accepte. Moi par exemple, j'aimerais Djemé, que quand même que tu aies le courage, qu'on ait le courage d'écouter Apakena Djemé. On a le courage, c'est ça. On est au Québec, Julien a été au Québec, il a gardé au Québec, il s'est au Québec, Pauline Mora a gagné le pouvoir. Et quand on prend les sondages, la plupart des Québécois ne sont pas pour l'indépendance du Québec. Mais au Sénégal, on a longtemps voulu murer sur le mensonge, les contre-vérités, et personne n'a voulu donner la parole au MFDC aujourd'hui. On a des intellectuels qui sont très brillants, au niveau par exemple du siècle des intellectuels de l'université. Il y a des gens quand même qui savent écouter, il y a Pekana Djemé qui est là, mais on lui donne le micro qui s'explique de quoi on a peur. On lui donne le micro qui s'explique. La troisième chose aussi, il va falloir maintenant la question de savoir, compte tenu de ces deux aspects, est-ce que tous ces deux aspects, en tout cas, qu'on a à élucider, est-ce que ces aspects sont suffisants pour que la Casamance se passe du Sénégal? C'est la question. Maintenant, quand Jules Diop me dit que, par exemple, c'est à cause de la paix, par exemple, qu'on ne peut pas faire certaines choses, oui, en partie, mais je ne pense pas que c'est à cause de laquelle que le point Émile Badian n'est pas réparé. Le point Mbagna est là, tout le monde sait, l'État du point Mbagna, on ne fait rien. Mais qu'on ne dise pas que c'est à cause de la paix qu'on ne répare pas. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux, c'est pas à cause de la paix. Et je ne peux que citer le point Mbagna, il y a plein d'autres. Il est là, tout le monde sait qu'il a des problèmes. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait des réparations. Le point, il est là, il est à construire. Qu'est-ce que les gens de Saint-Louis ont plus que la Casamance? Ce n'est pas sérieux. Il y a des choses qui sont, il faut les dire, ce n'est pas sérieux. Moi, j'ai plein de choses à dire. Il y a encore, okay. Il a soulevé le cas, par exemple. Sois bref pour permettre aux autres aussi d'intervenir. Il y a beaucoup d'appels là, parce qu'on il a soulevé le cas des publics continus, par exemple. Uh-huh. Ben là, il a raison, je suis parfaitement raison. Il y a une chose au Sénégal que les gens ne disent pas, Salif Sadio. En tout cas, par rapport à ce que je sais, parce que il a accusé contre les civils, mais dans la presse du Sénégal, on le présente comme le monsieur qui tue les civils, à ma connaissance. Je ne sais pas, moi je ne maîtrise pas le conflit, mais on l'a présenté comme des mouchers qui tuent les civils et je ne pense pas qu'il est comme ça. Et c'est un combattant, s'il se bat comme tel militaire, il est là pour gagner des guerres. Sa gloire, c'est de tuer des militaires. Attends, allô Salfana? Allô? Oui, vas-y, Libas. Chers auditeurs, on s'excuse. Je pense qu'il va revenir parce qu'il y a un auditeur qui a insisté. On l'a ajouté à la conférence. Malheureusement, il nous a emporté. Et on va donc finir avec Libas très rapidement. Vous patientez un par un, on va vous laisser passer, on va extendre un peu. Libas, je disais qu'effectivement, il y a l'auditeur qui avait beaucoup insisté, on a voulu l'ajouter à la conférence et puis vous êtes parti. Allô? Demi, ça a coupé, je ne sais pas. C'est ce que je dis, il y avait un auditeur qui... Oui, juste reprends un peu, mais soit bref, je t'ai dit, il ne nous reste que 10 minutes. Non, j'ai fini parce que vous okay, avez des problèmes, je suis obligé de prier. Moi, je dis en fait, il va falloir quand même qu'on connaisse la vérité. Uh-huh. Oui, pour le pardon, uh-huh. Mais il faut d'abord la vérité. Tu ne peux pas demander à quelqu'un, pardonne-moi, si face à cette personne, qui vous l'a fait, ça ne passera pas et ça ne passera jamais. Merci beaucoup. Ok, merci donc Libas Koli. On va prendre un prochain auditeur qui avait insisté beaucoup depuis le début. Il s'agit de Boubacar Salifana Diata. Allô? Allô? Allô, Salifana? Allô? Allô? Allô? Un par un. Voilà, on va aller chercher Salifana. C'est le premier, il était là, il a insisté beaucoup. Et... Allô? Allô? Oui, Salifana? Allô? Oui. Oui, allez-y, vous êtes maintenant en direct là. On était avec un auditeur là. Allô? Oui, vas-y, on t'entend oui. Bien. Allô, oui. Là? Va... Oui. Voilà, moi, ce que je voudrais dire, c'est... Je voudrais vraiment être bref. D'abord, en disant merci à Jibjo. Dire carrément que son appel d'unité des ressortissants ou de la diaspora ou... Oui, pour se trouver en Casamance. Allô? Oui, oui, allez-y. Hop, hop, hop, hop. Vous avez un bruit de fond au niveau de votre micro, là. Allô? Allô, Salifana? Allô? Non, il y a un bruit de fond, là, on t'entend pas. Allô? Allô, Salifana? Bon, espérons qu'il va revenir. On va prendre notre auditeur en attendant. Allô? Allô? Allô? Allô, Salifana? Allô, Muniru? Non, il y a un bruit de fond là, on t'entend pas. Muniru, arrête ta radio, on t'entend bien ici là. Muniru, arrête la radio et prends le micro, on t'entend bien. Allô, Muniru? Oui, allô? Oui, on t'entend bien, vas-y, n'écoute pas la radio. Ok, d'accord. D'abord, je me souscris à, aux voix de mes voeux qui ont été présentés pour l'année 2013. À Souleymane Diop, je le remercie pour son, son interview. Et pour ce qu'il a dit pour confirmer l'espoir de paix en Casamance. Moi, je pense que, bon, par rapport à... J'ai entendu tout à l'heure une intervention disant qu'il faut qu'on écoute, qu'on n'ait pas peur d'écouter, je ne sais pas, les Apakena ou qui que ce soit. Moi, je dis que c'est des gens qui sont dans la diaspora. Moi, je dis, par rapport à la question de la Casamance, si aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette dynamique de vendetta des années 1980, 82, 80, jusqu'en 90. Nous ne sommes plus dans cette dynamique de vendetta. Aujourd'hui, quiconque pense avoir une idée claire, des arguments clairs sur la Casamance, doit pouvoir aller dans les médias et défendre son point de vue. Parce qu'aujourd'hui, l'État n'est plus dans cette dynamique où quand tu dis je ne pense pas que l'État soit dans cette dynamique où quand tu dis des choses sur la Casamance, qu'on vient te chercher, t'enfermer, non. Que ces gens ne l'aient pas qu'elle ne croient pas qu'ils aillent dans les médias et disent ce qu'ils ont à dire et le peuple Casamance fait en jugeant, c'est tout. Ils ne doivent pas attendre que les médias aillent vers eux. S'ils savent, s'ils ont des choses qu'ils détiennent sur la Casamance, sur le statut juridique, sur quoi que ce soit, qu'ils aillent dans les médias, tenir des conférences, ils ne sont pas au Sénégal, ils sont dans la diaspora. Souleymane Diop lui-même, Souleymane Diop qui a été interdit, Souleymane Diop, quand il a eu des problèmes au Sénégal, est-ce qu'il a attendu que les médias lui tendent le micro? Il s'est fait entendre. Qu'est-ce qui empêche à ces gens-là de se faire entendre? Maintenant, dans cette dynamique de pays bien avant, il faut que l'on comprenne une chose. La paix, ça se construit. Et vouloir créer une Casamance en dehors du Sénégal, ça, moi je dis, c'est se leurrer. Et je pense que c'est une situation très aisée d'être à l'extérieur du Sénégal, à l'extérieur de la Casamance, et d'appeler pour autre chose que pour la paix. Ça, c'est vraiment une position très, très aisée. Moi, je peux comprendre, j'aurais bien compris quelqu'un qui vit à Baïla, quelqu'un qui vit à Kanyabo, quelqu'un qui vit à Oussoui, qui appelle à la guerre, j'aurais compris. Il est dans le milieu. Mais que quelqu'un qui est dans son salon, bien assis, boyant, en train de boire une eau très fraîche, que cette personne-là puisse appeler à autre chose que la paix, ça, pour moi, c'est une position très aisée. C'est trop facile. Donc, ces gens-là, s'ils ont quelque chose à dire sur la Casamance, ils sont dans la diaspora, qu'ils n'attendent pas que les médias viennent vers eux. Ils ont des choses à dire, qu'ils aillent vers les médias, qu'ils consultent des médias, qu'ils disent ce qu'ils ont à dire. Parce qu'aujourd'hui, pour que l'on dise, nous ne sommes plus en 1980 où l'histoire de la Casamance c'était une affaire de père de vieux. Non. Aujourd'hui, ils ont en face d'une jeunesse casamancaise qui a besoin d'évoluer, qui a besoin de qui est assoiffé de voyage, qui est assoiffé de développement. Et qu'on le veuille ou pas, c'est à cette population casamancaise-là de déterminer où est-ce qu'il veut aller. Donc, je vous remercie. Merci. Quoi, tout le monde. Merci à vous aussi. C'était Mounir Diémé, donc depuis Montréal. On va partir reprendre notre auditeur. Tout à l'heure, il était en ligne, mais il avait certainement des problèmes de micro. Il s'agit de Boubacar Salifana Diata. Comme il insiste, on va aller le chercher. Et puis, il va nous donner son avis. Il avait très bien commencé, mais ensuite, il y avait un bruit de fond. On ne l'entendait pas. Allô? Allô? Allô? Allô, Salifana? Allô? Oh. Non. Vous avez des problèmes avec votre micro. Il y a un bruit de fond là, on ne vous entend pas. Allô? Allô, Salifana? Oui, je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Nous, on a un bruit de fond. On ne t'entend absolument pas du tout. Allô? Allô, vous corrigez le micro? Oui, je vous entends. Allô? Allô? Non. Allô? Allô? C'est dommage, j'espère qu'il va nous comprendre et puis rappeler, parce que si tu nous entends bien, nous on t'entendait absolument pas du tout, Salifana. Il y a un bruit de fond terrible sur ton micro là. On va donc prendre Aliou Sané qui est en ligne actuellement. Allô Sané? Allô? Allô Sané? Allô? Sané. Allô? Allô? Allô? Bon. Allô, Salifana? Eh bien. Donc, en attendant que les auditeurs appellent, je vais vous lire un message qu'on a reçu de... Aziz Diallo depuis Las Vegas. Il dit « Bonjour, bonne et heureuse année. Je remercie Souleymane Gil Diop. La paix viendra en premier avec le développement, mais... je suis... Bon, il a mis JSD. T'as parlé Angola en disant au revoir. Ok, merci beaucoup. Ah bon, d'accord. Il disait que Souleymane Gil m'avait parlé Angola en disant au revoir. Ok, merci beaucoup Aziz. Je n'avais pas compris. Moi, je pensais qu'il parlait de l'espagnol. Donc, Salifana, on va encore te reprendre pour voir. Je te dis, on ne t'entendait pas du tout. Si toi, tu nous entends bien, il y a un bruit terrible qui revient vers nous. Allô, Salifana? Oui, apparemment ça va, oui, vas-y maintenant. Allô? Allô, Salifana? Oh, oh. C'est vraiment dommage, hein, Salifana. Allô? Allô? Oui, vas-y, Salifana. No. It's not going. Bon, ce que je vais faire, donne-moi une petite minute, je vais essayer de te prendre via ton téléphone, juste ne serait-ce que pour une ou deux minutes. Parce que ton micro, là, je pense que l'enfant tout à l'heure qui est venu l'arracher, te l'a magané, comme nous on le dit ici. Ton micro est magané. Bon, chers auditeurs, vous écoutez Radio Tandouk Online. Après donc l'intervention de Souleymane Gil Diop, on prend vos commentaires actuellement. Et allô? Allô? Allô, Sané? Oui, mon frère, ça va? Ça va très bien, merci. J'ai entendu l'émission, je remercie l'invité. Oui. Bon, j'ai entendu son intervention. Uh-huh. Voilà qui semble intéressant, mais je vois que actuellement là où nous sommes, uh-huh, et le problème de la paix de la Casamance, on ne peut pas uniquement parler de la paix de la Casamance sans pour autant faire des actes. Uh-huh. Les actes sont-ils? Descendre sur le terrain, faire la sensibilisation et chercher au développement comme nous on l'avait fait. Uh-huh. Voilà, je vois que c'est la seule solution que vraiment en tant que diaspora ou autre qui veut vraiment la paix en Casamance, de descendre sur le terrain et sensibiliser pour trouver les solutions du développement de la Casamance. Uh-huh. Parce qu'on est là, combien de fois on a parlé de la paix? Les gens, comme j'ai entendu un intervenant dire que les gens sont dans leur salon en train de prendre du thé, de boire du thé et dire la paix est là. Et ça, ils s'en profitent. Ils s'en profitent sur le bien de l'État pour vraiment dire que nous sommes en train de faire des négociations au niveau de la Casamance. Nous, en tant que fils de la Casamance, actuellement, on a dépassé ce stade. D'être corrompu, d'avoir des gens qui vous donnent de l'argent ou bien d'avoir les gens qui sont là dans leur salon en train de parler la paix en Casamance. Descendons sur le milieu et parlons de la situation de la Casamance tant qu'elle est. Parce que moi, cette année, lorsque on était venu avec nos partenaires au niveau de la Casamance, j'ai su que vraiment la Casamance a un tout petit peu d'effort pour vraiment trouver la réussite totale de la Casamance. Parce qu'on a rencontré les gouverneurs, les AD, les ONG, on est descendu. Le barrage d'Affignam, si je prends le barrage d'Affignam, il y a un directeur qui est là-bas en train de prendre son salaire et que le barrage est là comme ça, il n'écrit pas. Tu penses que c'est ça qui va faire le développement de la Casamance? Donc vraiment, je dis que aux gens qui sont au niveau à l'extérieur, soi-disant le diaspora, ils n'ont qu'à trouver un système et non de rester, disons, quand tu as, disons, là, ta situation est bonne maintenant, tu essaies d'imposer de dire certaines paroles qui pourraient attirer la personne, les gens. Or, ces derniers-là, ils étaient des rebelles autant, je m'excuse sur le terme, parce qu'ils criaient aujourd'hui, ils sont heureux, disons. Leur situation est acceptable maintenant. Il dit qu'il faut négocier. Tu ne peux pas parler tant que pour autant parler la paix. Hein. Comment encore la situation de la paix? Mais il faut qu'il y ait des actes. Il faut faire des actes au niveau de la Casamance. C'est quoi? Descendre sur le milieu, trouver des choses concrètes pour le développement de la Casamance. En faisant ça, sur mon point de vue, on pourrait vraiment avoir la réussite de ce que nous appelons la paix. Mais on ne peut pas dire que la paix comme ça, sans pour autant rien faire pour la Casamance. Ça ne peut pas aller. Parce que le pont de Jigensor, quand tu vois le pont de Jigensor, tu vois la façon dont ils sont en train de travailler le pont de Jigensor. qui a envie de vomir. Donc, et il y a certains points, qu'on a réfléchi, c'est pas réfléchi, qu'on a construit. Je prends l'exemple, je sais pas pour le dire, je prends l'exemple du pont de Saint-Louis. Pourquoi pas le pont de Giguinchard et d'autres ponts? On dit que le grenier, la Casamance est grenier, mais il faut développer. Au moins, en développant ces structures-là, certainement, les gens vont oublier ce qu'ils ont en train de faire sur la guerre. Donc, je suis un peu bref parce qu'il y a certains qui ont besoin. D'ailleurs, actuellement, nous, on a une ambulance. C'est pas pour tout le monde. On a une ambulance destinée à une communauté rurale. Depuis que je suis, depuis le mois de septembre, les dossiers sont là en train de dormir au niveau des tiroirs du gouvernement. Jusqu'à présent, il n'y a pas de résultat. Il y a un rejet d'exonération de l'ambulance. Tu vois que ça, c'est normal. Une ambulance qui devait faire, disons, qui va parvenir à soutenir la situation des malades. Nous, une ambulance qui est là, on est en train de courir, de téléphoner. On dit que va ceci, va cela. Finalement, on ne sait pas où, comment faire. L'ambulance, tu penses que ça, c'est normal? L'ambulance est où? Est-ce que c'est arrivé? Allô? Ou bien c'est arrivé au Sénégal? Allô? Oui, il y a un bruit de fond derrière vous là. Je dis que l'ambulance est où? Est-ce que c'est arrivé au Sénégal? Actuellement, l'ambulance est là, en Italie. Lors de mon intervention ici au niveau de Radio Tandem, j'ai parlé sur ce projet de l'ambulance. On a nos documents, certains documents qui sont là. On est en train de faire demande d'enquête, soi-disant que oui, est-ce que si on vous laisse, disons, faire certaines, comment qu'on projet au niveau de la Casamance, est-ce que c'est pas pour aller, disons, alimenter les rebelles, tout ça. On a entendu ça. Mais nous, notre problème, c'est voir le développement de la Casamance. En voyant le développement de la Casamance, on voit le soulagement du gouvernement sénégalais. C'est ça que je vois. Okay. Facilitant les immigrés, disons, tout ce projet qu'ils portent au niveau du Sénégal, au niveau de la Casamance, il faut faciliter que ces derniers puissent vraiment avoir le document le plus rapide possible pour qu'au moins faire oublier certains soucis qu'on est en train de vivre pendant 20 ans. C'est un problème. Ok, ça l'est. Donc, pour avoir un éclaircissement par rapport à cette ambulance dont vous parlez, parce que je pense que c'est important quand même. Vous dites que l'ambulance est en Italie. Ouais. Ok. Et vous cherchez quel papier pour l'amener au Sénégal? Bon, nous ici, on a fait une demande d'exonération. Au niveau du consul, le consul a écrit au niveau du ministère des Sénégalais de l'extérieur. Bon, il a transmis le dossier au niveau du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé nous dit que, bon, après demande, il nous dit qu'il y a rejet du dossier. Je demande maintenant, comme il y a rejet du dossier, de m'envoyer, de faire une transmission pour que je puisse savoir pourquoi le dossier a été renvoyé d'une ambulance. Parce qu'on avait des traiteurs qu'on avait. On a demandé l'exonération. Ils ont refusé. On a payé par notre propre moyen pour faire développer le projet qui est là en Casamance. Bon, l'ambulance, c'est une ONG italienne qui nous a offert. On veut donner ça parce que compte tenu de notre tournée qu'on a fait, on a vu que nos parents ont des difficultés pour transporter les malades du village en ville. Donc, on a trouvé satisfaction sur d'avoir une ambulance. Donc, je ne pense pas que... Et l'ambulance est destinée à quelle communauté rurale? Alors, à la communauté rurale de Tandouk, mais comment encore de Oulampan. Certainement, le PSR est en train de m'écouter, les gens de Oulampan sont en train de m'écouter. Ok, d'accord. On reviendra une autre... On reviendra si Gilles Manta et prend contact avec moi, si réellement ce que je suis en train de dire, si ils sont prêts à nous soutenir pour que le transport... Ici, on n'a pas de problème de transfert de payer de conteneurs sur Dakar. Ok. Il ne reste qu'on soutient pour l'État ce que nous sommes en train de faire. C'est un soutien pour l'État. Ok, d'accord. Okay. Je ne vois pas qu'une ambulance puisse faire pendant, depuis le mois de septembre jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver les réalités de comment du refus d'exonération. Ok, d'accord, d'accord. On n'arrive même pas à se libérer si comment quoi, le gouvernement sénégalais ne veut pas. On fait le transfert par la Gambie. Mais tout ça, jusqu'à présent, je suis en train de demander la documentation de pourquoi. Et l'ambulance jusqu'à présent n'est pas encore. Pourquoi il y a un refus de l'ambulance? Parce qu'il y a les 7 ambulances qui sont parties au Sénégal. Je ne vois pas que cette ambulance puisse être refusée. D'accord, d'accord. Ouais. En tout cas, je suis à l'écoute. Toute personne qui veut peut-être savoir de plus, je serai vraiment le bienvenu. D'accord, d'accord. Okay. Merci Sané. Je rappelle que c'est lui le secrétaire général donc de la Fédération de la Casamance en Europe et il nous parle depuis l'Italie. Tu nous salueras toute la famille et les enfants. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Ok, chers auditeurs, je vous dis, je vous rappelle que vous suivez Radio Tandouk Online dans l'émission La Voix des Jeunes, Burunsi Kambano. Nous prenons donc les commentaires après l'entrevue de Souleymane Jules Diop sur les problèmes de la paix en Casamance. Comme il l'a si bien dit, on ne peut pas faire de paix sans les fils natifs de la région. Et que donc il a lancé un appel à la diaspora pour que la diaspora soit unie pour travailler dans ce sens. Et il faudrait quelque chose de très important aussi, il faudrait en parler. Parce qu'effectivement, si on n'en parle pas, ça sera difficile qu'on s'en sorte. Oui, il y a eu de la frustration, oui, il y a eu des manquements, mais si nous sommes tous d'accord que les grands perdants, c'est nous. Donc, je pense qu'il faut aller dans le sens de la paix. Parce que, de toutes les façons, ça fait maintenant 30 ans qu'on est dans ce conflit et 30 ans durant que nous subissons des conséquences néfastes et parfois même terribles, nébuleuses. Donc, je pense qu'il est temps qu'on parle de la paix et qu'on œuvre pour qu'il y ait la paix en Casamance. C'est vrai que s'il faut remettre, retourner l'histoire pour voir d'où vient le problème et autres, je pense que on ne s'en sortira jamais. Y a encore Salifana qui voudrait nous parler. On va encore lui donner un coup de chance car c'est un auditeur fidèle. Mais malheureusement, il a des problèmes de micro quelquefois. Dernière chance pour lui car nous sommes en fin de l'émission. Allô? Allô? Ah, Salifana, il faut réparer ton micro là. Il faut aller acheter un nouveau micro là, il faut aller au marché Saint-Maur là. Allô Salifana? Oui. Bon, une minute, je vais te reprendre autrement. Parce que je pense avoir Salifana, si je veux. Eh bien, on va mettre une intermède musicale en attendant s'il y a des auditeurs encore qui voudraient intervenir. Africa, environnement, Mormon, c'est Sénégal, Allô? Oui, Salifana. Non. Oui, vas-y, ça passe maintenant. Parce que ton micro là, je disais qu'il faut aller chercher un nouveau micro au marché Saint-Maur là. Je crois que c'est ce que je dois faire. Parce que vraiment. Alors maintenant, pour être une brèche, hein. Je voudrais d'abord dire un grand merci à Simon Djidjou pour son brillant exposé du discours, quoi qu'on peut le qualifier. Mais en tout cas, il a quand même dans tous les habits quelque chose de vrai. Moi, je retiens pratiquement trois choses dans ce qu'il a dit. La troisième chose, je la mets un peu au discours que j'ai entendu aujourd'hui du gouverneur Kanou Samou au sortir d'une réunion à Dakar de l'association de ressortissants de Boulouche à Dakar. Et je commence par ça quand il disait qu'en Casamance, chaque village peut être l'homme est pratiquement indépendant, c'est-à-dire un village décide du sort de ses enfants. Et pour ce faire, je dis que voilà un peu les jalons qu'on est en train de poser, parce qu'un jalon posé, c'est de faire comprendre en réalité ce qui se passe. Si les gens ne comprennent pas ce qui se passe, on reste tout le temps dans le mandat. Chacun peut dire ce qu'il entend, ce qu'il peut, de son coin, ce qu'il voit. Alors, ce que Jésus a dit, c'est qu'il va falloir impérativement que les gens se regroupent. Que les gens se rencontrent, que ce soit dans la diaspora, que ce soit même ici au Sénégal, au niveau des associations de ressortissants, on a plein. Je pense que entendre cet appel, c'est aussi un pas vers la paix. Et ça permettra au moins aux gens, à tout le monde, même petit, de venir se regrouper, être ensemble et discuter de la question de la présence. Sur le tout, on peut nous comme l'a dit sur le nom de Dieu. Maintenant, il faut en parler, tant plus que les soi-disant militaires ou je ne sais pas, otages pris quelque part dans la forêt ont été libérés. Je pense que sur le tout, on peut nous menacer à découvert, ils ont été libérés au côté de tout le monde. Je crois que maintenant, il va falloir que les gens prennent leurs responsabilités et qu'en parlent ouvertement. Au début, c'était un peu difficile, on disait que si nous, les agents, nous venons les murs, donner des répits. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Il faut en parler ouvertement. La deuxième chose, c'est que, il m'a dit, il disait qu'il fallait éviter une conférence, mais finalement, il ne sait pas si ça se peut bien passer ou ça n'a pas d'être eu lieu. Mais ce que je voulais dire dans ça, c'est que, c'est pas le même. Je vois que maintenant, tout le monde est disposé à vraiment en découvrir avec ce qui sort de la présence. Parce que si on ne nous prend pas garde, c'est très compliqué. J'ai entendu parler tout à l'heure Samy en disant qu'un ambulance qui voulait évacuer en gouvernement, mais qui a toujours des difficultés pour les papiers de dossier de l'innovation. Je crois que tout ça, tu dis, si aujourd'hui Samy a une ambulance et que dans son coin, il se met à lui seul, soi-disant, essayer de régler ce qui soit tout conduit, donner, ok, c'est ça qui l'a amené, ça se pourrait. Donc, d'où la nécessité que la diaspora en Europe ou aux États-Unis, je ne sais pas où l'a amené, il faut se regrouper. Il faut se regrouper et se parler, parce qu'on ne sait pas qui détient en fait la clé de la paix. Peut-être que là, le commun de la clé est parmi ces gens-là. Donc, si lui n'est pas là pour parler, il vient si les gens ne vont pas vers lui pour parler, comment est-ce qu'il pourrait ouvrir, comment est-ce qu'il pourrait déclencher? Donc il faut interactionner l'unité, il faut que les gens s'unissent. Pour ne pas aider les gens créer la libération des otages, la dissolution du gouvernement à discuter et éventuellement la dissolution même du MFPC à discuter. C'est exactement ce qu'il faut faire. Quand j'ai entendu seulement le gouvernement Salisson nous parler, j'ai entendu Amadine parler ce matin, je me suis dit, mais tiens, il y a quelque chose qui est en train de se passer et que maintenant les gens, il faudrait qu'ils s'unissent, comme on dit, la balle au rebond et qu'ils sont tous dans ça. Ce genre d'activité, partout le coordonnateur peut se trouver. Donc il faut suivre et se parler. Il y a beaucoup de choses, nous sommes disés qu'en Cavillette, au tout début des années 80, il y a eu des exactions, il y a eu même des crimes contre des communes dans ce village. Moi je me rappelle bien, je n'ai pas cité ce village, mais à un bon matin, les jeunes sont rentrés dans ce village, égorgés de vieux, parler de n'importe quoi devant ces enfants. Et aujourd'hui, si on demande aux partisans de sortir de la bourse, ils pensent qu'ils ne vont sortir jamais, ils ne le feront. Donc, il y a des trucs, il faut que les gens maintenant en parlent. Mais pour parler de ça, il faut s'asseoir ensemble. Que personne ne reste dans son coin, dit ce qu'il veut, dit ce qu'il entend, et pensant que lui seul, il peut régler ce problème. Donc, je loue encore l'intervention de ce monde. Je lui dis vraiment merci pour avoir intervenu, parce que. Il faut reconnaître maintenant. maintenant que c'est pratiquement la personne la plus écoutée du Sénégal, parce que parce qu'il prend un micro, tout le monde est là pour vraiment écouter ce qu'il va dire. Donc son information est vraiment d'une grande, d'une grosse pierre dans ce que nous sommes en train de mener pour la peine d'avoir. Félicitations à lui, et aussi félicitations à tous ceux qui ont intervenu. Maintenant, je voudrais aussi préjuger que M. Samé puisse vraiment envoyer le référent de tout ce dossier, parce que nous, nous sommes au Sénégal et nous sommes prêts à intervenir, à aller jusqu'au ministère de la Santé pour pouvoir facilement diligenter ce dossier, parce qu'il est important pour cet angle-là. Donc, s'il est à l'écoute, donc, si vous, vous pouvez nous transmettre ce message, je crois que nous restons disposés à l'appuyer et à l'accompagner dans ce qui est en train de faire. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'il vous entend très bien. Merci donc, Salifana. Mais n'oublie pas d'aller acheter un micro. Merci beaucoup. Donc, il s'agissait de Salifana, Boubacar Salifana Diata depuis Kaolack. Et donc, nous sommes en fin d'émission. Ça a été très intéressant donc, d'écouter notre compatriote Souleymane Jules Diop. Comme vous le savez bien, Salifana vient de le dire, c'est quelqu'un qui avait battu le taux d'écoute pour l'année qui vient de passer, 2012. Vous le savez, c'est quelqu'un qui s'est battu en corps et âme pour donc l'alternance, la deuxième alternance que nous venons d'avoir. Et aujourd'hui, il est au sein de ce dit gouvernement. Il avait dit tout à l'heure, il est ministre conseiller spécial auprès du président de la République. Donc, nous tous, on souhaite pour qu'il y ait la paix, une paix définitive en Casamance, quelles que soient les négociations, car il y a beaucoup qui l'ont dit, on ne dit pas tout haut ce qu'on est en train de faire tout bas. Parce qu'il y a certaines choses, quand tu le dis publiquement, ça peut fausser le chemin de la négociation. C'est pour cela, bon, c'est sûr qu'on est très impatient en demandant où est-ce qu'ils en sont, mais je pense que c'est mieux comme ça d'aller dans l'ombre, négocier. Ce qui peuvent se dire, ça se dira. Sinon, le reste, c'est mieux de garder le silence comme un bon père de famille. Vous savez, le père de famille, généralement, ne dit pas tout. Il y a des choses qu'il dit aux enfants, il y a certaines choses qu'il ne dit pas, parce qu'il sait que quand il le dit, ça peut nuire à ce qu'il est en train de faire. Merci beaucoup. On va donc mettre fin à notre émission et puis on se redonne rendez-vous samedi prochain à la même heure. Comme je le disais, ça va être le mini-congrès de Tandouk en direct de Banjul. Et nos techniciens feront tout ce qui est possible pour que ce congrès soit retransmis en direct depuis Banjul. Et ceux qui voudraient intervenir, le forum via, bien sûr, la radio en direct. See you.